vida, com a vida, se se fosse muito, tua vida não sinto. Irei para ti, irei por lá. Ou bien levo-vos un jour, soyez profond, c'est une obsession. Nous sommes nés sans amour. C'est une obsession.